On nous écoute. Cœur noir tripalium. Pourquoi ça résonne comme ça? Cœur noir tripalium. C'est, ça résonne. Mais je sais pas, j'ai rien. Ah bon, d'accord. Cœur noir tripalium. L'émission mensuelle d'infos de la CNT Saint-Étienne, c'est parti avec JB à la technique. Déjà, c'est bizarre comme son. Et Brigitte, Elian, Loïc dans l'ombre. Et voilà. Aujourd'hui, 7 avril 2019, la lutte actuelle, c'est le logement des familles expulsées des squats ou de l'hébergement d'urgence municipale avant même la fin de la trêve hivernale. On fera aussi le point sur des sujets dont on avait parlé dans les émissions précédentes. Et puis, ça va mieux. Ça y est, ça résonne plus. Et pour parler de tout ça, nous recevons Valentine, notre street medic des Gilets jaunes, bien connue sur nos émissions. Albert, qui fait partie du comité de soutien aux inculpés de la loi de travail. Max, un des soutiens aux familles expulsées. Et Jérôme, du carnaval de l'inutile. On tentera aussi une liaison téléphonique, youhou, avec la Bourse du Travail, où les familles attendent une solution de logement. Je passe la parole à Elian. Alors, bonjour. On voulait revenir rapidement sur le procès qui a eu lieu le 7 mars à Saint-Étienne, tribunal de Saint-Étienne. Alors, il y avait 7 personnes qui étaient convoquées au tribunal suite à des manifestations qui datent un peu. C'était contre la loi travail, contre la loi, les lois M. Khomri, et donc ils avaient été inculpés pour jet de peinture le 28 avril 2016. Et donc le procès a eu lieu le 7 mars et le délibéré a été rendu. Donc Albert, tu peux nous dire le délibéré? Oui, du coup, ils étaient 8. Elles étaient 8, pardon. Et quand ils étaient passés, le procureur, il a demandé entre 2500 euros et 6000 euros d'amende pour 3. Et au délibéré, c'est 500 euros d'amende pour 3, plus 500 euros pour un autre, 1000 euros pour un. C'est avec sursis. C'est ça, avec sursis, et il y en a un qui a été relaxé. Et pour 4 autres, ils repasseront le 13 juin en procès. À Saint-Étienne, donc voilà. On reste mobilisé, on vous tiendra au courant des actions qui seront menées pour les soutenir. Voilà. Mais déjà, on retient la date du 13 juin. Voilà. Ensuite, on voulait aussi revenir sur une peine de prison qui a été prononcée cette semaine en comparution immédiate suite à la manifestation de samedi dernier, pas hier, mais l'autre, c'est le samedi précédent à Saint-Étienne. C'était une manifestation régionale des Gilets jaunes. Et aussi, il y avait le carnaval de l'inutile, on va y revenir juste après, en même temps. Donc la condamnation, elle est super lourde, puisque c'est une personne d'une trentaine d'années qui a été condamnée à 6 mois de prison ferme en comparution immédiate. Il avait 2 mois de sursis, donc il s'est pris 8 mois ferme, il est en tôle, là. Et 80 euros d'amende pour ivresse sur la voie publique, tout ça pour avoir jeté une ou deux pierres contre les CRS qui étaient à Carnot, et voilà. Donc on est un petit peu, on est scandalisé par ces peines, quoi. Voilà. Donc maintenant, il y a Jérôme qui va nous reparler un petit peu du carnaval de l'inutile qui a eu lieu donc à Saint-Étienne le 30 mars, là, l'historique et tout ça. Comment ça vous est venu, cette idée? Eh ben ouais, je sais pas par quoi je commence, si vous avez des idées de par où je peux commencer ou si vous avez des questions précises. Sinon, je peux commencer un peu par c'était le premier ou pas? Du coup, c'était... Alors déjà, on va commencer par un truc très simple, c'est que Carnaval de l'Inutile, ça a fait un peu débat. On n'était pas sûr sur le nom, mais au final, ça a été un peu choisi par défaut, Carnaval de l'Inutile. Mais à la base, cette dénomination-là, elle vient de la première édition. Donc cette année, c'était la deuxième. La première édition, c'était en février dernier, si je ne me plante pas. Et qui était... On avait organisé déjà un carnaval, donc l'an dernier, en février, suite à une mobilisation à Saint-Julien-Molin-Molette, donc à côté de Saint-Étienne, où il y a un groupe d'habitants et d'habitantes de cette ville qui lutte contre l'extension d'une carrière de pierre juste à côté de chez eux. Et donc, comme ça se présentait assez mal, comme le projet d'extension de carrière se présentait de manière défavorable pour les habitants, ils ont décidé de mettre un coup de pression et de venir organiser un week-end de carnaval à Saint-Étienne. À Saint-Étienne. Ouais. Donc, vu qu'il y a la préfecture de la Loire qui est à Saint-Étienne, ils voulaient mettre un coup de pression sur la préfecture. Donc tout ça, c'était l'an dernier. Ça, c'était l'an dernier. Ça, c'était l'an dernier. Et donc, du coup, il y avait un peu une orga de tout le week-end qui roulait bien, avec l'idée, c'était de faire une déambulation dans la ville un peu carnavalesque, masqué, coloré, etc. Et d'aller titiller un peu les pouvoirs publics. Et à la suite de ça, il y avait eu aussi, donc, le même jour, il y avait eu un concert. Et le lendemain, on en avait profité pour discuter un peu avec ces gens-là qui luttent à cet endroit-là, Saint-Julien-Molin-Molette, et aussi de tendre la perche à d'autres projets un peu similaires ou d'autres luttes un peu similaires. Et du coup, on avait aussi invité des gens, des habitants et des habitantes de Dijon, qui venaient du quartier des Lentillères. Donc c'est un quartier squatté, occupé en lisière de Dijon, où ça fait quelques années qu'il y a pas mal de monde qui s'est installé là-bas. Donc, et c'est, on va dire, c'est un espèce de projet où ça mélange un peu le squat d'activité, l'habitation, et puis aussi le projet un peu de maraîchage. Donc il y a des terres qui sont cultivées aussi. Et donc c'est un lieu qui est occupé parce que tout autour de cela, il y a des projets immobiliers qui sont en préparation. Et donc les gens squattent ce lieu-là qui est un peu dans l'entre-deux en attendant ce projet-là. Et donc ça leur permet d'être un peu en prise avec le projet immobilier sur le côté. Bref, je ne vais pas trop m'étendre sur Dijon, mais on avait invité ces gens-là pour essayer de faire le lien entre ceux contre quoi ils luttent et ceux contre quoi luttent les habitants de Saint-Julien-Molin-Molette. Suite à ça, on a décidé de reproposer un truc cette année de carnaval. Et cette année, il s'est trouvé que au moment où on souhaitait faire ce carnaval, donc en général, les carnavals, c'est un peu au moment du printemps, donc quand les beaux jours commencent à arriver, etc. Et du coup, on s'est rendu compte que par hasard, il y avait aussi la Biennale du Design qui était organisée par la mairie de Saint-Étienne. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait être bien d'essayer de se poser des questions sur qu'est-ce que c'est que cette biennale, qu'est-ce que c'est que le design plus généralement. Et puis assez vite, on en est venu à se poser des questions sur qu'est-ce que ça veut dire tout simplement, genre habiter en ville, qu'est-ce que ça veut dire d'habiter tout court, à quoi on est confronté quand on est face à des politiques de la ville qui cherchent à faire changer la ville sans vraiment prendre en compte les habitants, les habitantes, etc. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un logement. Voilà, par exemple, entre autres. Mais aussi, qu'est-ce que ça veut dire d'habiter en ville quand on n'a pas de logement? Du coup, c'est plein de questions qu'on voulait se poser. Et du coup, on s'interrogeait vraiment aussi pas mal sur qu'est-ce que c'est que le design, qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Et moi, surtout que là, de manière assez ironique, la thématique de la biennale cette année est portée sur l'inclusion. Ou sur le terrain d'entente, enfin, on n'a pas trop saisi exactement où est-ce qu'ils voulaient en venir, quoi. Eux non plus, je pense. Ouais, visiblement eux non plus, mais bon, du coup, ça a fait que... Enfin, c'est pas avec nous, en tout cas. Ouais, donc ça a fait qu'on a voulu un peu... brasser un peu toutes ces questions-là, là. Et donc on a organisé une déambulation le samedi dernier, donc. Ouais. Et comme par hasard, il se trouvait également que c'était un appel régional... des manifestations des Gilets jaunes, et aussi qu'il y avait eu plusieurs appels, enfin qu'il y avait eu un appel national en France de venir perturber les usines d'armement. Oui. Et donc il y avait eu plusieurs mobilisations samedi dernier, un peu dans plusieurs villes en France, je crois dans la Sarthe notamment, et puis vers Toulouse et en Bretagne. Et il se trouve qu'à Saint-Etienne, il y a aussi notre cher Vernet Caron qui produit des flashballs et d'autres... Mais qui sont moins dangereux que les LBD, disent-ils. Il paraît, ouais. Il s'en défend. Ouais. Mais bon, voilà, ça faisait un espèce de cocktail assez intéressant. Et puis hyper varié, donc du coup il y a eu la mobilisation la semaine dernière. On a essayé de se mettre en lien un peu avec toutes ces mobilisations, quoi, pour avoir un truc assez fort, quoi. Et du coup la rencontre avec les Gilets jaunes, ça s'est passé... Ça s'est très bien passé. On a vu certains Gilets jaunes qui étaient aussi déguisés, qui avaient pris... S'est vraiment bien mélangé, puis en fait il se trouve qu'on est pas mal... Sur le truc du carnaval, on était aussi, enfin, on se coupe pas non plus des gilets jaunes. Enfin, il y a une continuité où nous aussi, ça nous arrivait de participer à cette mobilisation aussi. Donc, il y avait, enfin, ça nous paraissait assez logique d'arriver à lier les trucs. Et après, il y avait quand même l'idée de, on veut faire un carnaval, on veut pas nécessairement faire une manif, juste manif. On a envie aussi de s'amuser et de faire un carnaval et de pouvoir déambuler assez librement dans la rue, déguisé. Avec des chars et de faire la fête, en fait, dans la rue, quoi. Tu disais tout à l'heure, en introduction, que vous aviez beaucoup discuté sur le titre, enfin, ou sur Carnaval de l'inutile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Carnaval de l'inutile ? Je vais être un peu salaud, mais je vais faire un gros joker sur cette question, parce qu'on en a discuté pendant longtemps, et que, à la base, enfin, je veux bien expliquer, mais à la base... L'intitulé du Carnaval de l'inutile, c'était l'intitulé du Carnaval de l'an dernier, donc qui avait été discuté suite à la carrière. Du coup, il y avait un peu dans l'inutile, il y avait un peu l'idée des projets, des grands projets inutiles. Donc, on veut pouvoir voir sur les ZAD ou ce contre quoi les ZAD luttent, etc. Du coup, il y avait un peu cette idée de la carrière de Saint-Julien Molamolette, ça en fait partie un peu. Et donc là, on en a pas mal discuté de la dénomination du carnaval de cette année. On n'arrivait pas trop à prendre de décision. Ça a été un peu par défaut. Le départ du carnaval, il était fixé quand même à un endroit très précis, à Saint-Etienne quand même. Bon, il y a eu la convergence au rond-point de Montieu qu'on ne présente plus. Mais ça partait quand même... Du projet style, voilà, et qui fait partie des grands, enfin que nous et que vous et que beaucoup de gens considèrent comme un des grands projets inutiles de la ville, quoi. Ouais, bah du coup après, c'est pas pour autant, même si le nom, on y a un peu réfléchi, ça posait un peu problème à des moments, c'est pas hyper hyper grave, mais effectivement, ouais, il y avait cette idée de partir de style. Bon, ça a été un peu compliqué de le faire dans les faits, puisqu'il y avait une grosse présence policière, mais du coup, ouais, de... Et la symbolique était là quand même. Ouais, la symbolique, c'était ça, et ouais, de pouvoir montrer aussi un peu tout ce qu'on pourrait considérer comme... sur le trajet du carnaval, l'idée de passer par des endroits où il nous semble que... il y a des projets en cours qui sont un peu problématiques, quoi, comme du coup, partir de Montieu, du projet style, qui est un truc pharaonique, et on sait pas trop c'est quoi, à part faire de la thune pour les gens qui investissent dedans, on voit pas trop à quoi ça pourrait servir. L'idée aussi de passer sur le parcours, il y avait quand même l'idée de passer par le quartier Beaubrun et Tarentaise, où il y a un projet de pose de micro qui s'appelle Serenicity, donc c'est un peu une extension sécuritaire des caméras de vidéosurveillance, mais avec l'idée d'écouter la ville sans enregistrer, mais en essayant d'être attentif au possible. Et proposé par Vernet Caron encore. Ouais, du coup c'est encore un truc dans lequel Vernet Caron a un peu des billes aussi, donc assez vite on arrive à faire le lien en fait entre un peu tout plein de petits projets un peu bizarroïde comme ça. Mais du coup, une belle aventure et un beau moment et de grands moments qui peut-être vont se reproduire. Ouais, je pense qu'on va en reparler, je pense, mais du coup, on peut-être essayer de reproduire l'expérience encore. Mais ouais, du coup, enfin, juste termine, parce qu'on a, on a aussi, pour l'occasion du carnaval, on a aussi édité un journal qui fait une trentaine de pages, où du coup, on aborde un peu ces questions-là, là, de logement, d'aménagement de la ville, de transformation urbaine et de... pour utiliser des mots un peu vaguement savants, de gentrification. Et du coup, dimanche dernier, on a aussi... en fait, on a repris un peu le modèle du carnaval de l'an dernier, où on avait fait la déambulation le samedi, et puis le dimanche, on avait une journée un peu plus tranquille. On voulait discuter de ces questions-là. Et du coup, on en a profité pour inviter deux personnes. Donc, il y a un gars qui vient de Marseille et qui avait fait un film sur Marseille, capitale de la culture, en 2013. Le film s'appelle La fête est finie. Et il y avait aussi un auteur d'un livre sur Grenoble. C'est une espèce de balade un peu subjective et partisane de la ville de Grenoble sur les transformations qui se passent là-bas. Et du coup, le livre s'appelle Dérive dans une ville créative. Et donc, ces deux personnes-là, donc on a pu regarder le film et, sur Marseille et... entendre parler du livre un peu aussi, donc le processus de création du livre et du film. Et c'est en fait l'idée, c'était de faire un peu aussi de mettre un peu toutes les villes en perspective, là, autant que Grenoble, que Marseille, que Saint-Étienne, et que probablement plein d'autres villes en France ou ailleurs qui sont un peu sur. Qui subissent un peu les mêmes types de transformations, du coup, à essayer d'arriver à identifier un peu une structure ou un processus qui se passe dans chaque ville. Et en fait, et surtout essayer d'identifier au-delà de, une fois qu'on a compris qu'est-ce qui se passe dans chaque ville, que le processus il est à peu près similaire dans chaque ville, essayer de comprendre, essayer de chercher qu'est-ce que les habitants et les habitantes ils peuvent faire face à ça, quoi. Et du coup, sans utiliser des grands mots comme lutte ou quoi, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est fait aux habitants et aux habitantes. Et en fait, de voir que les habitants et les habitantes en général sont dépossédés et que les processus de transformation qui se passent, c'est que il y a une nouvelle, on va dire, un nouveau type de population qui arrive, qui remplace la population précédente petit à petit. Et c'est une population en général qui est plus riche, plus aisée. Et du coup, les processus de transformation, ça va impliquer que les habitants d'origine sont dépossédés de un peu tout ce, tout ce dont ils ont besoin. Et je crois que, par exemple, à l'issue de la discussion de dimanche dernier, ce qui se disait un peu, c'est que parmi les idées de lutte ou quoi, qui pouvait émerger, ben justement se réapproprier un peu tout ce qui est du type un peu service public et tout ce à quoi les gens n'ont plus accès en fait et que les pouvoirs publics essayent d'enlever tout simplement. Voilà. Et le journal, on peut le trouver où ? Et le journal, on peut le trouver ici, dans les studios de Radio Duo. Mais sinon, j'imagine qu'il va être assez, qu'il va se trouver dans plusieurs endroits. Je pense peut-être. Je suis pas bien sûr, mais j'imagine que à la librairie l'une et l'autre, peut-être, ou au Bilboquet, au 17. Alors je crois que c'est de la Mulatière. 17 rue de la Mulatière. Et puis, voilà. Si vous voulez des exemplaires, vous pouvez nous envoyer un mail à la CNT. Il s'appelle comment le journal ? Il a pas de nom. Bon. Le journal du carnaval. D'accord. On va peut-être passer une petite musique pour faire une pause. Ok. Ça s'appelle Moscou Death Brigade, c'est un groupe antifasciste de hip-hop russe. Et le morceau s'appelle Papers, Please. Moscow Death Brigade, 2015. The bloody Vikings of the beat, it's us. No one is illegal. One place of rock, wrong papers for an accident. The press is serious and acceptable accident. The done vaccine and public level's excellent. His speed and lies in the eyes and never hesitate. You know what I'm saying, if it's not just pray your prayers. Then look the other way for terrorists, mothers and slavers. But if you're running for your life and you escape the slaughter, then let your wife die to feast on your sons and daughter. Poison the water, the feast of legalized murder. The lies about human rights don't cross the quarter. They bomb the bomb, let them be strong, close the border. And feed the world another table, double top reporter. Forward to the basket, I ask you remember. And the allies are sending people back to gas chamber. Defeat the beast, at least you know what to expect. Insert the borders of the history of beats itself. Papers, please. They got you on your knees, straight face to the death to the police. Who's the real illegal people, who's the real disease? We all immigrants, we all refugees. Papers, please. They got you on your knees. Straight face, face to the death, death to the police. Who's the real illegal people, who's the real disease? We all immigrants, we all refugees. The cycle closes and makes history repeats itself. Like 80 years ago, abandoning those to the death, who happen to be born on the wrong side of the fence. Ignoring all the atrocities and cries for help. They're almost dead, but the balance of humanity. Progressive one of the society becomes another malady. The remedy, humanitarian calamity. Another people denied the right to live in vanity. Another human race catastrophe. Another instance of entitled masses showing lack of empathy. Authorities are waging war, you people lie in idleness. Refuse to take responsibility for leaders' violence. Communities of human greed reveal their rotten values. Civilized war devoted basic principles of kindness. Close-minded, close the borders that you deny. The price of economic confidence, their inner survival. Papers, please. They got you on your knees, straight face, face to the death, death to the police. Who's the real illegal people, who's the real disease? We all immigrants, we all refugees. Papers, please. They got you on your knees, straight face, face to the death, death to the police. Who's the real illegal people, who's the real disease? We all immigrants, we all refugees. Face the facts, no thanks, who grasp the black steps. Please go back for war, torture and the death camps. Join the ranks. Labeled as illegal people, crossed by those who suck blood from all the cops evil. From the devilish tragedies to the devilish, they put another spike ball on the lettuces. But why research price lost evidence? Infection of the whole soul and all genesis. Papers, please. They got you on your knees, straight face, face to the death, death to the police. Who's the real illegal people, who's the real disease? We all immigrants, we all refugees. Papers, please. They got you on your knees, straight face, face to the death, death to the police. Who's the real illegal people, who's the real disease? We all immigrants, we all refugees. Ça reprend. Ok. Donc on va reprendre sur les luttes actuelles, enfin, celle qui nous tient à cœur en ce moment, c'est bien évidemment les familles qui ont été expulsées et qui sont en attente d'une solution de relogement. Je passe la parole à Elion pour un bref historique, puis après on interviendra un peu tous. Donc le problème du logement à Saint-Étienne, c'est quand même récurrent pour les personnes qui sont en situation de faiblesse. Et donc, le bref historique, il est assez simple. Il y a eu l'expulsion d'un squat boulevard Jules Le Dain dans le quartier de Carnot, aux alentours, j'ai pas la date exacte, mais je crois que c'était aux alentours du 15 mars à peu près. Quelques jours plus tard, l'expulsion d'un autre squat qui se trouve en centre-ville, qui s'appelait la Maison Bleue. Donc le 21 mars, expulsion assez musclée, puisque pendant plusieurs heures de la journée, personne n'a pu avoir accès à ses affaires et tout ça. Du coup, suite à cette expulsion, les familles qui étaient présentes dans ce lieu ont trouvé refuge dans un autre endroit pendant quelques jours. Pendant cette période, il y a eu des actions et des manifs menées devant l'hôtel de ville. Il y a eu la perturbation de l'inauguration de la Biennale dont on parlait tout à l'heure. Donc, je crois que c'était le 21 mars, il y a eu une action, puisque le maire est parti quand même un petit peu fâché qu'il y ait des gens qui lui rappellent que il autorisait la force publique à mettre des gens dehors. Et l'inauguration de la Biennale de Saint-Étienne a été fortement perturbée par des soutiens à ces familles. Et donc depuis lundi, cette semaine, la Bourse du Travail, située elle aussi en plein centre de Saint-Étienne, est occupée par des familles qui dorment, qui restent toute la journée et qui dorment la nuit. Donc la Bourse du Travail, c'est historique à Saint-Étienne. Elle a été construite en 1905, elle a 115 ans, donc elle a vu des tas de personnes défiler dans ses salles, à la salle Sacco Vanzetti, et puis donc à la salle des conférences. Et donc la mairie, très rapidement, dès le lendemain de l'occupation, voire le jour même, je crois, a saisi le tribunal, le tribunal de grande instance pour demander l'évacuation, a porté plainte aussi contre, alors là j'ai un doute si c'est l'union locale ou l'union départementale, mais en tout cas contre la CGT qui fait partie des syndicats qui occupent la bourse. Et donc voilà, donc autour de la table, on a des soutiens à ces familles. Donc Max, toi, tu fais donc partie des gens qui passent beaucoup de temps. Comment t'es venu à t'intéresser à cette lutte? Disons qu'après, c'est des sujets qui m'ont toujours un peu parlé. Là, j'avais un copain qui voulait déposer des affaires, en fait, pour les amener aux familles. Du coup, j'étais allé avec lui, etc. J'étais resté pour une réunion, justement, pour moitié par curiosité, moitié pour voir s'il y avait besoin d'aide. Et de fil en aiguille, bah, je ne suis pas reparti de la Bourse du Travail et j'y suis depuis mercredi soir. Voilà, en prenant de temps en temps des petites pauses, mais en passant les plus clairs de mon temps là-bas. Voilà. Il paraît qu'il y a des familles, des gens du quartier qui viennent apporter des matelas ou de la nourriture, c'est vrai ça? Oui, alors ça c'est, disons que le gros des stocks en fait de nourriture, de vêtements propres et chauds, de couvertures, de tapis de sol, c'est des personnes, des particuliers disons, qui viennent et qui disent bonjour, j'ai entendu qu'il y avait des besoins, des personnes en difficulté, donc ils viennent avec des sacs de courses pleins, aussi pas mal d'affaires pour dormir, etc. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de quoi dormir en fait de base à la bourse. Donc beaucoup de personnes ont également amené des matelas, mais pas seulement des petits tapis de sol, des matelas plutôt conséquents en fait. Donc c'est vrai que pour ces familles-là, c'est quand même un peu mieux. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup plaisir de voir que le peuple de Saint-Étienne quand même est assez solidaire là-dessus et participe comme ils peuvent à cette action-là. Voilà. Et les familles, il paraît qu'il y a des bébés aussi. Oui, il y avait notamment une femme enceinte qui, je pense que sa grossesse arrivera à un terme d'ici peu de temps. Il y a pas mal d'enfants, on va dire, de moins de 10 ans, 5, 6, 7 ans, je ne sais pas exactement. Mais disons que voilà, c'est des populations, ça fait quand même mal au cœur de se dire que ces gens-là sont menacés de dormir dehors. Donc, c'est pour ça que cette action, on y reste et on continue. En plus, il fait froid, il y a la pluie qui tombe. Oui, exactement. C'est que la trêve hivernale, elle est posée à une date, mais en fait, on ne regarde pas du tout la météo quand on pose cette date de trêve hivernale, je pense. C'est que dormir dans la rue en avril, même s'il fait peut-être beau la journée, c'est quand même assez délicat, quoi. Donc voilà. C'est clair. Enfin, on rappelle aussi qu'une des revendications des soutiens, c'est une réquisition des logements vacants à Saint-Étienne. Le chiffre qui circule, c'est qu'il y aurait plus de 13 000 logements à Saint-Étienne qui seraient inoccupés en ce moment, alors que là, il y a deux. On estime, les chiffres qu'on voit circuler, c'est 200-250 personnes qui, en ce moment, à Saint-Étienne, n'ont pas de logement. Donc, moi, j'ai vu une pancarte lors des manifs, parce que toute cette semaine, il y a eu des actions. Donc, tout à l'heure, je parlais de l'inauguration de la biennale qui a été perturbée. C'était avant l'occupation de la Bourse, mais depuis l'occupation de la Bourse, pratiquement tous les jours, il y a une manif et une action publique qui est menée, que ce soit devant la préf, c'était vendredi, je crois. Il y a eu un rassemblement devant la mairie mercredi, je crois. Et voilà. Et donc, les soutiens demandent que et la mairie et l'État, qui est responsable aussi du mal logement, interviennent pour donner des logements à toute personne dormant dehors, quoi. Moi, ce que je trouve super, c'est super. C'est pas du tout super. Parce que la seule chose que je trouve bien, c'est le nombre de jeunes comme toi, comme Valentine, qui sont là, qui passent beaucoup de temps, voilà. Oui, c'est vrai que les personnes qui disons s'investissent, on va dire de façon durable et font c'est ce qu'on appelle la permanence en fait, c'est-à-dire de rester sur place le plus souvent possible en fait pour pouvoir soit aider les familles, soit aider les personnes qui amènent du matériel pour les aider, etc. Soit faire en sorte que les lieux soient entre guillemets protégés et qu'on ne risque pas de perquisitions violentes et musclées, voilà. Et donc c'est vrai que la moyenne d'âge est quand même plutôt proche des 20 ans parmi les gens qui restent, voilà. Après, des personnes de tous les âges qui s'investissent, et ça fait plaisir, oui. Et quelle est la relation que vous avez avec les personnes qui sont les utilisateurs quotidiens de la Bourse du Travail, c'est-à-dire en gros les syndicalistes et puis les personnes qui viennent rencontrer les syndicalistes? Il y a un dialogue, il y a quelque chose, ou alors c'est on se regarde en chien de faïence? Il n'y a aucune personne à ma connaissance qui s'est, disons, plaint de cette situation-là. Je pense que parmi les syndicats, il y a quand même pas mal de personnes qui sont quand même d'accord avec le fait qu'il faut trouver des logements aux personnes à la rue. Voilà. Donc non, il n'y a pas eu de spécialement de... Les gens ont l'air plutôt d'accord avec ça, quoi, en fait, je pense. Mmh. D'accord. Parce qu'on rappelle que... Il y a quelques années, à Paris, la Bourse du Travail avait été occupée pendant plus d'un an, essentiellement par des travailleurs sans papiers. Et ça ne s'est pas super bien terminé pour les personnes qui l'occupaient, puisqu'elles ont été virées par les syndicalistes, quoi. Donc c'est pour ça que je posais cette question. Mais très bien, hein, tant mieux, hein, de toute façon, que la relation soit... J'ai l'impression que la situation à Paris sur cette question-là et ici à Saint-Étienne n'est pas la même, justement. Et donc voilà. Après, je ne sais pas forcément. Et Albert, tu avais des choses à rajouter par rapport à l'occupation là, toi, tu la vis comment alors? Moi, ce qu'il y a, c'est que je passe assez régulièrement, en fait. Mais ouais, ça m'arrive de passer une heure, voire deux grand maximum avec des coupures. Mais bon, je passe assez en matinée et plutôt en soirée, du coup. Mais après, voilà, il faut bien trouver une solution d'urgence à cet hébergement, en fait. Du coup... Ouais, mais c'est cool que tu passes même une heure ou deux, quoi. Parce que les copains, ça. Du coup, ils peuvent aller se reposer, prendre une douche, aller manger un morceau. Et ils se posent pendant que toi, t'es là. Coup, c'est ça, ouais. Faut, il faut que vous veniez, venez n'importe quelle heure, n'importe qui, venez nous soutenir, même une heure. On reconnaît bien ton discours, toi. Et on rappelle quand même que c'est soutenu par beaucoup d'associations, la LDH, la CIMAD, la majorité des syndicats, enfin l'ensemble du comité de gestion de la Bourse du Travail, et qu'il y a une pétition qu'on peut signer en ligne et que vous trouverez sur... Le site collaboratif du numéro 0.net. Voilà, une pétition qui demande au maire et au préfet de réquisitionner des logements, quoi, immédiatement, pour loger toutes ces personnes, quoi. Alors, c'est effectivement soutenu via cette pétition, c'est très bien, mais le meilleur moyen de soutenir, ça reste quand même d'y aller sur place et... d'aider ces gens et aussi tous les militants et les militantes qui sont déjà sur place pour essayer de leur trouver une solution d'hébergement, quoi. Ça, il faut signer la pétition, ok, mais aller à la bourse, se rendre compte de ce qui se passe, de la réalité de leur quotidien à eux, voir ce qu'ils vivent, ce qu'ils traversent, et le travail que fait la mairie, c'est aussi important quand même, je pense, d'y aller pour voir. Mmh. Est-ce qu'il y a des réunions qui sont prévues ou... Moi, je suis pas trop au courant. Ouais. Mais sûrement qu'il y en a. Vous avez des contacts avec la mairie? Non, apparemment la mairie, en fait, chaque fois qu'elle en a, que des gens ont essayé de, disons, interroger le maire ou même la mairie en général, en fait, sur cette question-là, il n'y a pas eu beaucoup de communication de la part de la mairie. Donc voilà, on espère que ça évoluera, mais... Non, mais on n'a pas besoin de la mairie, c'est bon, ils se bougent pas le cul, ben on se bouge le cul tout seul, quoi. Vu comme ça, oui, c'est vrai. Par contre, du coup, quand on se bouge le cul, s'il vous plaît, n'appelez pas les flics pour dire qu'on ouvre un squat, parce que ça, c'est vraiment dégueulasse. On a essayé rue des Armuriers, il y a eu des voisins vigilants qui ont appelé la police, et c'est franchement dégueulasse, parce que c'est des pauvres gens qui dorment dehors. Essayez de passer juste une heure dehors à 3h du matin, et puis après, vous verrez, quoi. C'est sûr. On fait une petite pause, ouais, musicale. On va mettre un petit son. C'est Étranges étrangers par Christian Olivier. C'est un poème de Prévert. étranges étrangers, Kabyles de la chapelle et des quais de Javel, hommes des pays loin, cobayes des colonies, doux petits musiciens, soleils adolescents de la porte d'Italie, boumians de la porte de Saint-Ouen, apatrides d'Aubervilliers, brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteurs des bêtes trouvées mortes sur pied, au beau milieu des rues, Tunisiens de Grenelle, embauchés, débauchés, manœuvres désœuvrées, Polac du Marais du Temple des Rosiers, cordonniers de Cordoue, soutiers de Barcelone, pêcheurs des Baléares ou du Cap Finistère, rescapés de Franco et déportés de France et de Navarre, pour avoir défendu en souvenir de la vôtre la liberté des autres. Esclaves noirs de Fréjus, tiraillés et parqués, au bord d'une petite mer où peu vous vous baignez. Esclaves noirs de Fréjus, qui évoquez chaque soir dans les locaux disciplinaires, avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer, tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts, et ne venez dans la capitale que pour fêter au pas cadencé la prise de la Bastille le 14 juillet. Enfants du Sénégal, dépatriés, expatriés et naturalisés, enfants indochinois, jongleurs aux innocents couteaux, qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié, enfants trop tôt grandis et si vite en allés, qui dormez aujourd'hui de retour au pays, le visage dans la terre et des bombes incendiaires labourant vos rizières. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés, on vous a retourné vos petits couteaux dans le dos, étranges étrangers. Vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivez, même si vous en mourrez. Ok, pour reprendre, je crois bien que tu voulais nous donner des petits conseils. Je voulais rajouter quelque chose, oui, c'était que si jamais des personnes chez eux en fait ont des vêtements pour les enfants qui ne leur servent pas, plutôt que ça moisisse dans un grenier, je pense que ça sera plus utile de les amener à la Bourse du Travail pour permettre à ces gens quoi, de rester propres et d'avoir des habits secs et voilà quoi. On vous remercie d'avance, merci. On peut peut-être rappeler, pour ceux qui ne sauraient pas où c'est la Bourse du Travail, donc c'est assez simple, c'est en plein centre-ville, il y a un arrêt de tram qui s'appelle comme ça, c'est à côté de la place Albert Thomas qui est un petit peu connue, à côté des Ursules, entre les Ursules et la place Albert Thomas. Cours Victor Hugo. Exactement, pas loin de la place du Peuple. Voilà. Et voilà, je voulais juste un tout petit peu parler à propos des enfants qui sont à la rue, du coup, dans les écoles de Saint-Étienne, ben, les enseignants ont commencé à... Les enseignants et les parents d'élèves des écoles ont commencé à se rendre compte qu'il y avait des familles ben, qui logeaient dans la rue, quoi, et des enfants, voilà. Et c'est, l'idée même est carrément insupportable. Du coup, il y a beaucoup de familles qui ont commencé à... Des familles et des enseignants et du personnel des écoles qui ont fait des associations les écoles du centre-ville, mais pas que. Et puis, voilà. Donc, au début, je crois que la première assoc, c'était au collège Andasté, c'était Nos Partirales. Oui, je crois que c'est ça. Ouais. Et puis, du coup, ils chapotent un petit peu les assos, c'est-à-dire qu'ils leur permettent de démarrer, au moins d'avancer un peu l'argent pour les premiers loyers. Et voilà. Et puis, ben, c'est un... C'est sur le long cours, quoi, mais ça permet de mettre à l'abri. Ben, par exemple, dans une des écoles, c'est trois familles qui sont logées, quoi. Mais voilà, il faut faire des soirées de soutien. Donc, ben voilà, si des gens écoutent, il faut guetter les soirées de soutien. Il y en a eu une vendredi dernier à la Gueule Noire et il y a eu du monde, c'était chouette. Et ça a fait de l'argent, quoi. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que il y a quelques années, c'était un petit peu exceptionnel d'avoir dans les classes des enfants qui dormaient dans la rue le soir. Et là, ça devient quand même beaucoup plus. Beaucoup plus, ben voilà, il y en a presque dans toutes les écoles, quoi. Ah oui, il y en a dans presque toutes les écoles et puis pas une seule famille, quoi. On se rend compte, c'est 3-4 familles, quoi. Voilà. Alors, on essaye d'avoir Adeline ou pas? On est prêt ou pas? C'est elle qui va appeler. C'est elle qui va appeler, bon. Bon, alors, on attend Adeline. On va mettre un autre morceau, si tu veux. Eh ben, allez. Ça s'appelle « Mon voisin vient de loin », le groupe s'appelle « La réplique ». Thank you. c'est un vieux qui vole un trapu et tout branché. C'est l'incarnation de l'humilité. Un type qui très concilie au genre humain. Mon voisin vient de loin. Sa vie tout entière, il retire pas grand chose. Il vieillit tout pépère dans sa petite maison rose. Il a niqué ses reins, a porté les parfums. Voilà, voilà. Alors, ben on va reprendre. Et... Ah. Téléphone. Non, c'est pas vrai. Alors là, c'est trop cool. Ça tombe juste à point. Donc, c'est une première à... Alors, il y a le téléphone qui sonne, donc. on va décrocher. Voilà. Et on ne sait pas du tout ce qui va se passer après. Est-ce qu'on va réussir à faire marcher la technique? Voilà. Yes. Ok, Simon Emmanuel. Donc c'est quelqu'un qui est à la Bourse du Travail, qui fait partie des familles cette fois. C'est ça. Voilà. Donc bonjour. Bonjour. Alors. I'm Simon Emmanuel. I don't speak French. I speak English. Ah. Ok, donc il parle pas français, il parle que anglais. D'accord. Donc, on lui pose des questions en anglais. Bah moi je vais lui poser en français. Tu viens de quel pays? Where do you come from? Yeah, I'm coming from Nigeria. From Nigeria? Yeah. Donc du Nigeria. D'accord. Okay. Et tu es avec ta famille? And are you here in France with your family? No, I'm just only me. Donc il est tout seul. D'accord. Et avant de venir à la Bourse du Travail, tu dormais dans un autre endroit? Where were you before you came to la Bourse du Travail, where you are right now? Where were I don't understand. In which place were you before where you are right now? Okay, which country I was before I came? No, not country, the place, the house. In Saint-Étienne. In Saint-Étienne. I don't have any place in Saint-Étienne. I'm just on the street. Okay, dans la rue depuis combien de temps? And since when? How long? For how long? Since I came to France. I came to France January 31. I'm just there on the street. In January this year? Yeah, January this year, January 31. Okay, donc il est arrivé cette année en janvier, depuis il avait nulle part où dormir. Est-ce qu'il a demandé un logement à la préfecture? And did you ask to the authorities for a place to sleep? Yeah, I've been going to Pada every day, asking them for place, they said no place for me. Ok, donc il est allé à la Pada tous les jours. Et il est demandeur d'asile. And so you're asking for asylum in France? Yes. Ouais, d'accord. Ça. On rappelle quand même que l'État doit loger les demandeurs d'asile en France, hein, puisque c'est un droit. Hein. Donc là, on voit bien que une fois de plus, l'État ne remplit pas sa mission d'accueil. D'accord. Et combien à peu près de personnes en ce moment dorment à la Bourse du Travail? Do you know how many people sleep here in at the Bourse du Travail right now today? I didn't hear you. How many people in that place where you are sleep? It's countable. I can't even count. Okay, donc il peut même pas compter tellement il y a de monde. D'accord. Okay, il y a des enfants en bas âge et tout. So there are children, families. Yeah, a lot of children. D'accord. Beaucoup d'enfants. Et du coup, toi, tu demandes quoi à l'État français là pour ton avenir au niveau du logement? So what would you ask the French government for your housing, for a house or for your papers? Sorry, I didn't get you. What would you ask to the French government? Okay, what I wanted to do for me is just like, because sleeping in the street is very frustrating, so okay, it's not good for somebody who sleeps alone in France, sleeping on the street every day by day, don't have a way to rest head. Those things is very, it's crazy, you know? Globalement, c'est un endroit pour dormir, avant tout. Parce que du coup, il parle de frustration, il parle de choses qui le rend assez fou et qui le fatigue. Voilà, donc un logement. Et quelles sont les raisons pour lesquelles... Enfin, si tu peux le dire, peut-être, sans... quelles sont les raisons pour lesquelles tu as fui ton pays? She wants to ask you... if you want to explain why you had to leave Nigeria, but you're not obliged to answer this. Sorry, can you repeat? She's asking why you had to leave your country. Okay, why I leave where? Why you left Nigeria, where you came? Do you understand? When or why I leave? Why? Okay, why? It's difficult to answer. Mm-hmm. It's a difficult question. Yeah, it's a kind of difficult question because I can't explain on phone. Okay. You don't have to explain if you no can, no if no. You on peut passer juste... à une autre question, je pense. Hello? Bon. Do you want to ask anything? To add anything else? Yeah. Bonsoir. Oui, je m'appelle Chukuma. Mm-hmm. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Et oui. Ça fait combien de nuits que tu dors à la Bourse du Travail? Ça fait, on va dire, peut-être 6 jours. 6 jours? Oui. Et avant, tu étais où? Oui, avant, j'étais à Laurier. Laurier, j'explique aux personnes qui savent pas, c'était un hébergement d'urgence qui avait été ouvert pendant l'hiver. Et tu es tout seul ou tu es avec une famille? Non, je suis seul. Tu es seul, d'accord, ok. Et après les Lauriers, si tu demandes au 115 un logement, qu'est-ce qu'ils te répondent? Il n'y a pas de place pour moi, c'est pas moi seul, pour beaucoup de garçons qui n'ont pas famille, parce que mm-hmm. la première chose est qui est la famille, les enfants, avec les femmes. Donc, pour nous, c'est un peu difficile pour avoir les places. Pour les célibataires, tu veux dire, pour les hommes seuls? Oui, oui. Mm. Et toi, tu es aussi demandeur d'asile? Oui, oui. D'accord, la procédure est toujours en cours? Oui. D'accord, ok. Là et... aussi, il devrait y avoir un logement. Bah, bien sûr, oui. D'accord. Et, par exemple, quand ils ont fermé les Lauriers, ils vous ont dit quoi? Bon, le dernier jour, c'est 31 mars. Bon, il n'est pas dit rien, donc depuis les jours-là, quand on appelle 115, il n'y a pas de place. Eh oui, ok. Mm. Ouais, faut quand même rappeler que là, on reproche aux gens qui les soutiennent d'être dans l'illégalité, mais en fait, c'est l'État qui est dans l'illégalité totale, parce que la loi dit que... le temps que la demande d'asile soit étudiée, normalement, chacun a droit à un logement. Chacun, chacune a droit à un logement. Oui. Voilà. D'accord. Bon. Et est-ce que toi, tu es parti de ton pays? C'est quoi ton pays? Je suis un Nigérien. Ok. Et tu ne pouvais pas rester sur place, quoi, pour plein de raisons? Non, excuse-moi, je ne comprends pas. Tu dis quoi? Tu ne pouvais pas rester dans ton pays, quoi. Bon, dans mon pays, il y a un problème. C'est pour cela que j'ai sorti dans mon pays. Bien sûr, oui. Mmh. Ok. Et là, aujourd'hui, demain, tu aurais besoin de quoi? La première chose que j'ai besoin, des places où je vais dormir, parce que ça, c'est la première chose. Mmh. Oui. Dormir en toute sécurité, surtout. Oui, dormir. je ne parle pas bien français, donc je ne vais pas expliquer comme je vais. Non, mais c'est bien. C'est bien déjà. Bah, écoute, on va vous remercier de votre témoignage. Et du coup, on rappelle donc cette occupation à la Bourse du Travail de Saint-Étienne. En par, attendant des solutions d'hébergement. Voilà, par des personnes qui dorment, qui dormiraient à la rue si elles n'étaient pas hébergées, si elles n'occupaient pas la Bourse du Travail, qui, rappelons-le, est quand même la maison du peuple et la maison des ouvriers et des ouvrières. Donc, on vous souhaite bon courage. On passera vous voir et vous soutenir encore et encore. On appelle encore tous les auditeurs et les auditrices à venir à la Bourse du Travail. Merci. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci au contact téléphonique. Une autre personne, c'est possible? Ah bah ouais, super. Allez. Bonjour. Et bonjour. Alors, bonjour. Tu dors depuis quand à la Bourse du Travail? Je dors avec ma famille depuis les mardis, depuis ce mardi. Ça fait moins de 4 jours que je dors ici. D'accord. Et avant de venir à la Bourse du Travail, tu dormais où? On était au Laurier. Au Laurier avec la même personne que précédemment, quoi. Oui, oui. Et tu es tout seul ou tu es avec la famille? Je suis avec la famille. D'accord. Mon épouse et 3 enfants. 3 enfants? Oui. Et ils ont quel âge, les enfants? Les premiers à 10 ans, les deuxièmes à 8 ans, les derniers à 2 ans. D'accord. Et ils sont à l'école? Oui, ils sont scolarisés, les deux, les derniers qui n'est pas encore. Oui, il est trop petit encore. Et donc, du coup, à l'école, ça doit être aussi très, très difficile, comme Brigitte l'a rappelé tout à l'heure. Dans beaucoup d'écoles, maintenant, il y a des personnes qui sont confrontés à des difficultés de logement, quoi. Oui, oui. Ils vont dans quelle école? Ils sont à l'école la Barrière, c'est Saint-Jean-Bonnefond. À Saint-Jean-Bonnefond, ok. Ah là là, mais c'est loin en plus pour aller là-bas. Mm. D'accord. Et toi, tu es aussi demandeur d'asile? Non, depuis le mois de février que je suis débouté, mais j'ai 2 femmes et 3 enfants. Deux qui sont malades et qui sont suivis par le médecin. Et j'ai fait une demande de petit stage comme parent malade. D'accord, mm-hmm. Oui. Et parce que la dernière est née avec une pathologie grave, selon le médecin. Et on dort dehors. Donc, c'est très compliqué pour les enfants. Pour les enfants. Moi, j'ai pu rester dehors. Je peux supporter mes enfants qui sont des innocents. Oui. C'est très difficile. J'interpelle les autorités. Comment est-ce qu'ils peuvent les faire? Comment ils se sentent à 8h du soir quand ils ferment les portes, quand ils ferment la maison, sachant qu'il y a des enfants qui dorment dehors, des enfants de 2 ans, 3 ans, de 6 mois. Et oui. Ouais. Ouais. Et quand tu appelles le 115, quelle est leur réponse? C'est la même chanson. Non, je viens d'entrer, j'ai trouvé 0 place, et je te rappelle demain à 10h, quand tu étais le jour suivant, quand tu appelles, tu m'as rappelé, nous sommes connus, hein, dès que vous appelez, ils savent, non, il n'y a pas de place pour le moment, je te rappelle demain matin, le soir, c'est la même chanson. Ah oui, ah oui, d'accord. Même la famille, parce que la précédente personne disait que lui, tout seul, célibataire, il y a beaucoup de difficultés pour se loger, mais toi, avec la famille, c'est la même chose, quoi. Ah, ça, c'est la même chose, oui. Ah oui, d'accord, oui. Bon, écoute, merci pour ton témoignage et puis bon courage et on passera à vous soutenir et vous voir à la Bourse du Travail. Merci beaucoup. Voilà. Bonne, au revoir. Au revoir. Bon. C'est tout. Ouais, super. Merci pour le contact téléphonique. Allez, bah parfait. À plus tard. Super. Au revoir. Merci beaucoup. Salut. Bisous. Bon courage. Allez, on va écouter un bon vieux Fugees. Et puis après, je fais l'agenda vite fait. Parce que là, on va dépasser. We used to be number 10. Now we permanent one in the battle of my finger. Mike became my heart. As it's stated, blood becomes with more cellar. Come on, baby, easy love. It's this summer. Test why flesh, see that flesh gets scorned. So bad, make you feel like you ain't well with me. Boy, John. Tell your friends, they that I like my lord. Enjoy, you can get trust to the chickens from my phone. Yeah. I'm not the dead creature. If you're my fiancé, then I'm bringing all hate to Sicilian. Nobody shoot me. My body's made of hand. On reprend vite fait parce qu'on est en train de dépasser notre heure. Du coup, au niveau des rendez-vous prochains, bon, vous l'avez compris, hein, la Bourse du Travail, c'est en ce moment. Je voulais juste dire un tout petit truc, juste pour revenir. Mais on entend beaucoup de bêtises sur, sur les gens qui fuient leur pays. Nous, on est dans des situations confortables où quand on va visiter un autre pays, c'est vraiment pour voir comment ils vivent et tout ça. Mais quand on est obligé de fuir son pays, c'est jamais de gaieté de cœur. Et faut rappeler cette base, quoi. Enfin, voilà. On peut quitter son pays pour des raisons politiques, parce qu'on est pourchassé, ou pour des raisons économiques, parce qu'on n'a rien à manger, et puis voilà. Eh bien oui, c'est bien de le rappeler. Et donc au niveau des prochains rendez-vous qu'on voulait vous annoncer, donc évidemment il y a le 1er mai, hein, probablement que la manifestation partira de la Bourse du Travail. On ne sait pas s'il y aura encore des personnes qui seront là. L'autre rendez-vous qu'on voulait vous annoncer aussi, donc il y a une manif à Roanne, la régionale des Gilets jaunes, samedi prochain. La veille au soir, il y a un concert, deux concerts, trois concerts même dans le même quartier. Donc vendredi 12 avril, il y a nos amis de la France Pub qui organisent un concert à l'entrepôt café avec nos amis aussi, entre autres, de Pervers et Truand. Ensuite, en même temps, juste après plutôt, on traverse la rue, on va au Pied de Biche qui est un bar associatif qu'on aime bien aussi. Et là, on va écouter des personnes qu'on aime beaucoup. Il y a Porte-Fenêtre qui va jouer, suivi de 10 Minutes Later. Alors, arrivez pas trop tard parce qu'ils auront déjà joué. Et là, par contre, en même temps, il y a un autre concert. Peut-être tu peux nous préciser, non ? À la Cale, qui est à l'Amicale Laïque du Cré de Roc, qui se trouve rue Royer. Et là, c'est un concert de samba. Voilà, on voulait l'annoncer. Au niveau des autres dates, il y a une manifestation à Montgenèvre, c'est dans les Alpes, à la frontière, donc contre les politiques migratoires à la frontière comme ailleurs, luttons contre les politiques migratoires. On rappelle aussi que donc le 13 juin, ça doit être peut-être un mardi, je ne sais pas. Donc il y a le procès des quatre inculpés de la loi travail. Il y en a quatre qui ont été déjà jugés. Il y en a quatre qui vont donc être jugés le 13 juin. Il y aura probablement encore un rassemblement devant le tribunal de Saint-Étienne. Le 17 mai, il y a un concert de soutien à un espace qu'on aime bien, qui est l'espace autogéré de la Gueule Noire. Donc le concert de soutien de la Gueule Noire le 17 mai. Mais on vous le rappellera tout ça, hein, puisque la prochaine émission de Cœur Noir Tripalium... Ça sera début mai, on ne sait pas. Ce sera le... Tu veux qu'on regarde ? Ce sera non. Après le 1er mai. J'ai regardé, c'est le 5. Ça tombe le 5. Ce sera le 5 mai. Ok, voilà. On ne va pas mieux déranger. On va rappeler peut-être les contacts. Voilà, les contacts. Donc, les syndicats de la CNT à Saint-Étienne, ils sont à la Bourse du Travail, dans une petite salle. On ne pourrait pas loger beaucoup de monde dans cette salle. Il y a des permanences donc syndicales tous les vendredis de 17h à 18h30. Le contact téléphonique, c'est le 04 77 25 78 04. Et l'adresse mail, cnt42@cnt-f.org. Il y a un site internet, vous tapez CNT42 dans n'importe quel moteur de recherche et vous tombez sur la page donc, de la CNT. L'émission... Où il y a les podcasts. Voilà, c'est ce que j'ai exactement. C'est l'émission, donc les émissions sont maintenant en podcast grâce à notre superbe webmaster sur donc, évidemment le site de Radio Audio. Et vous aurez le lien du site de Radio Audio en allant sur le lien, non, comment on dit, la page. Ou je ne sais pas comment on dit, de la CNT, le site de la CNT 42. Voilà. Et Brigitte, et elle veut moi, je voudrais rajouter le contact pour Femmes Libres. Donc, puisque Femmes Libres, nous avons. Donc, les Femmes Libres, c'est un groupe de militantes sénétistes de la CNT, donc 42. Et donc, nous avons un numéro de téléphone qui est le 06 21. 70 60 67. Et le mail, c'est cnt-8femmeslibres, tout attaché, -8 42@riseup.net. Voilà. Eh bien, on remercie tous nos invités, Max, Albert, Jérôme et Valentine. Et on vous dit au mois prochain, donc le 5 mai, dimanche 5 mai, c'était Cœur Noir Tripolium, l'émission des syndicats de la CNT 42. Et voilà. Merci, salut. Allez, ciao.